mettez votre casque. Sur les bancs. Sur les bancs. Sur les bancs. Ici, vous serez bien. Sur les bancs. Sur les bancs. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Écoutez. Prenez place. Sur les bancs. Écoutez. Installez-vous. Mettez votre casque. Le retour de Tariq Nui. Voilà, c'est celui-là. C'est ce banc. Tu te souviens ? Oui. Oui, je me souviens. Mais ça devient plus en plus flou. C'est... Pardon. Vraiment, pardon. Je suis désolée. C'est idiot et triste. Ne t'énerve pas. Tiens, pose tout là, sur ce banc, et on va regarder. Regarde-moi, Mathilde. Regarde-moi et calme-toi. On pourrait pas trouver un médecin. Il doit bien y avoir un médecin dans ce parc. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Reviens, il faut faire vite. Et même s'il y avait un médecin ici, tu crois qu'il se promène avec des médicaments dans les poches ? C'est trop tard. On n'a plus le temps et je ne veux pas que tu te retrouves perdu au milieu de la rue comme ça. C'est terrible. Tu sais très bien ce qui va se passer, hein ? Oui, je sais ce qui va se passer. C'est pas la première fois, je suis confiant. Ça va marcher encore. Et pour toi aussi, ça va être difficile. Et si ça marche pas ? Je suis idiote. Je suis certaine de les avoir laissés dans le train. J'en ai pris comme d'habitude et j'ai dû poser la boîte à côté de moi. Oh, qu'est-ce qu'on va faire ? Tu as bien regardé dans tes poches ? Ouais, j'ai regardé. Tiens, il n'y a que mes clés et de la monnaie. Et la poche intérieure de ta veste ? Tu as regardé ? Non. Attends, je retourne toutes les poches. Rien du tout, rien. Vide ton sac sur le banc. Vas-y, on ne sait jamais. Regarde, il est vide mon sac. C'est quoi ça ? Tu te souviens pourquoi tu as cette craie avec toi ? J'essaie de me souvenir, mais j'arrive pas. Oh, il ne reste vraiment plus beaucoup de temps. Mes souvenirs deviennent de plus en plus vagues. Je suis désolée d'avoir oublié ce médicament. Désolée, il va falloir tout recommencer. Et si je ne t'aime plus ? Hein ? Qu'est-ce que tu vas faire ? C'est avec cette craie que j'ai écrit mon numéro de téléphone. Là, sur ce banc. Et tu m'as rappelé. Je vais le refaire encore. Et quand tu auras perdu le souvenir de notre rencontre, tu me demanderas qui je suis. Et on parlera des pigeons, parce que j'aime bien leur donner à manger. Que j'ai toujours un sac de graines avec moi. Regarde. Et puis on causera. Et ensuite, je partirai un peu timide en écrivant mon numéro sur ce banc. Et tu m'appelleras, et notre histoire recommencera. Et si elle recommence pas ? Si, regarde. J'écris mon numéro de téléphone maintenant. Comme ça, il sera là déjà sur le banc comme une coïncidence. Voilà. C'était le bon côté du banc, je veux dire. J'étais assise au bout, à gauche ou à droite ? Oui, tu as raison, c'était à l'autre bout. Viens. C'est fou que tu te souviennes de ça alors que ça fait 2 heures que tu aurais dû prendre ton médicament. Je m'en souviens pas. C'est juste une question que je me posais. Tu as encore quelque chose à me dire avant de... Je t'aime. Tu te souviens encore de moi ? Tu es mon frère, c'est ça ? J'adore donner à manger aux pigeons. Les moineaux s'approchent vraiment. Ils ont moins peur. Tenez, regardez celui-là. Moi aussi, j'aime bien les pigeons. Enfin, oui, je crois. Vous venez souvent dans ce parc ? Oui, souvent. J'aime bien attendre. Je m'appelle Mathilde. Et vous ? C'était Le Retour de Tariq Nui avec Mathieu Létuvé et Nathalie Janet. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Bruitage, Sophie Bissens. Prise de son, montage et mixage, Cécile Braque et Jason Taus. Assistant à la réalisation, Félix Levaché et Clémence Grosse. Réalisation, Laurence Courtois. Sur les bancs est une coproduction France Culture et Gédéon. Sur une idée originale de Thomas Baumgartner.